moi lec. Wesh mal fait, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas écouté, t'en as tu revois. C'est aussi le cas de SK, tu te rappelles l'ami. Original, sacré, animal comme Marsupilami. J'ai de la tristesse, il n'a pas eu ce qui lui était dû. Un peu comme nous deux, trop underground et têtu. Voyez pas plus loin que demain on devait être miro. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Malfra, mais c'est pyro. Le temps avance, je fais du stop, le pouce congelé. Heure sup dans la street, il est temps de prendre mes congés. Ça fait du bien de kicker une prod, y'a qu'est-ce kiki. Ça fait longtemps qu'une instru m'a pas fait bouger kiki. Quand j'y pense, on a quand même beaucoup de souvenirs en commun. Plusieurs centaines de morceaux, et là ça fait encore un. Je souris, je me rappelle l'époque du Bison Star. J'aimerais faire une pause à la manette, appuie sur Star. Ouais. J'ai pris conscience qu'une ordonnance veut pas dire qu'on guérira. Que le rap ne m'apaise pas, peine à cesser le feu à ma guérilla. Avec moi-même, ça fait longtemps que je m'entends plus. Aujourd'hui j'arrête le rap, demain je parle avec un mur. Je cache les sales nouvelles à la daronne sur la santé de mon futur. Je joue le doc, je dissimule mon cancer de la thune. Ça date que comme des cons, cherche le bonheur. Ma djinn china, la machine est en panne. Et puis se prépare des chambres, si c'est toi, la vie est un combat. Les bookmakers ont investi sur la défaite. C'est poulain, sexe, flouze de prince, se travesti. Crois-moi, ça fait longtemps qu'il ne fait plus rien, c'est putain de cycle. Désormais le rap apparache le hit des méthodes génériques. C'est le bordel, les neurones qui chôment crient le sur tous les doigts. Que les étoiles nexos, c'est qu'un vœu, le mérite est dans la foi. Ça fait longtemps que je cours plus, je marche encore bancal. Le rap n'a plus le dessus, soulève juste mes soucis sur le brancard. Son big B dans le beurra, c'est vrai, ça commence à dater. Moi je fais pas de dirty, ne me dis pas comment s'adapter. J'ai cette capacité, mais je n'ai pas la volonté. Chacun ses choix, c'est sur soi-même, poteau qu'il faut compter. La vie des gens, ça fait longtemps qu'il est négatif. Le contraire, on le saurait s'il est très affirmatif. Ça fait longtemps que j'argent, ça fait longtemps que j'attends de repousser Satan, j'y arrive pas en chassant. Ça fait longtemps que j'essaye de m'enfuir, mais en vain. Je suis vraiment trop accroché au bitume, donc enfin. Tu comptes, je crois que je recule, mais je m'en rends plus compte si je me pose à question, c'est sûrement qu'il y a plus con. C'est pas une raison, non, faut pas que ça me rassure. Fuck la luxure, je crèverai comme un rat, c'est sûr. Je fais des erreurs, mais le pire c'est que je suis au courant. Ça fait longtemps que j'aurais déjà dû lire le Coran. Ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'on roule sans permis sur l'autoroute du droit chemin. Qu'on ne ralentit plus en s'approchant d'un feu orange. On apprend l'auto-école du diable, c'est faire des coups d'assurance. On brûle ce qu'on a de bon en nous pour plus d'oseille le lendemain. Le fric, le sexe sont dans les mœurs. C'est pub en petite tenue, les mises. Ça fait longtemps que leur copine n'est plus à l'œil. Le string est à la mode. Morts sont les hommes, ils se maquillent en mode dans les blocs. Parle de substances au prix de famine, archéta. Ça fait longtemps qu'il y a urgence, bordel. Les raisons sont enveilleuses, les belles causes vont emporter après. Les tempêtes, le soleil éclaire des chandelines. Un peu consomme le monde. Dans l'excès, débarrasse leur fil dans un baril d'essence, encore fumant, on va le monde. La crise est à son pic, les secrets ont l'effet d'une bombe. Ça fait longtemps qu'on fonce, tout droit dans le mur. Le rap c'est ma drogue, mais lui et moi on s'entend plus. Ça fait longtemps que l'espoir est révolu. Heureusement que le mental n'est pas dissolu. Sinon ça ferait bien longtemps qu'on serait en peine. Ne sortons plus quand il pleut car la coupe est pleine. Ça fait longtemps que l'espoir est révolu. Heureusement que le mental n'est pas dissolu. Sinon ça ferait bien longtemps qu'on serait en peine. Ne sortons plus quand il pleut car la coupe est pleine.